de vos avis, car elle vit au jour le jour. Dans son cœur il n'y a que les hommes, la fête et la sape. Prend tout à la légère, et puis ne pense qu'à elle. Elle fume, fume, fume, fume, fume, oublie ses soucis. Elle danse, danse, danse, danse toute la nuit. En dehors tu vas tomber, en dehors tu vas plonger. Car si tu comptes, tu continues, tu gardes, tu seras la risée. En dehors tu vas tomber, en dehors tu vas plonger. Car si tu comptes, tu continues, tu gardes, tu seras la risée. Continue, tu gardes, tu seras la risée. En dehors,